Dieu donne des directives claires, concises et parfaites pour tous les domaines de notre vie. Bonjour, les ministères en contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Étant donné la pression engendrée par les besoins du foyer ou du travail, les efforts à faire pour développer nos relations et nos tâches quotidiennes, il est très facile de perdre notre cap spirituel. Nous réagissons aux derniers problèmes urgents qui se présentent et nous courons de tous côtés. Cependant, Dieu ne veut pas ce type de vie agitée pour nous. Nous n'avons pas besoin d'être continuellement aux prises avec ces circonstances changeantes. La Bible est le guide de Dieu pour une vie épanouie. Aussi, en suivant les instructions du livre des Proverbes, chapitre 3, vous pourrez plus facilement faire face à vos problèmes. Vous devez reconnaître Dieu dans toutes vos voies, car il est continuellement près de vous. Charles Stanley traite de ce sujet dans l'émission d'aujourd'hui. Le texte que je désire examiner avec vous aujourd'hui a servi de boussole à ma vie ces 40 dernières années. Qu'importe ce qui se passe dans ma vie, qu'importe le défi auquel je dois faire face, il semble que je revienne toujours à ces versets. Ce qui est étonnant, quand j'examine mes archives, c'est que j'ai prêché au sujet de ces versets une seule fois il y a 20 ans. Je l'ai cité souvent, je l'ai effleuré dans des prédications, j'en ai parlé. Je l'ai retenu et j'ai essayé de vivre selon ses principes. Chaque fois que j'ai négligé d'appliquer les principes de ce texte, je n'ai éprouvé que de la déception et j'ai subi des échecs. Chaque fois que j'ai pris ce texte comme guide, j'ai réussi dans ce que j'entreprenais. Je vous invite à écouter attentivement aujourd'hui, parce qu'en enseignant ce passage, je vous offre une boussole qui vous permettra de vous guider. Nous trouvons ce texte dans le chapitre 3 du livre des Proverbes. Le titre de ce message est « Le guide de Dieu pour une vie épanouie ». Lisons les versets 5 à 12. « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. Ces quelques versets résument une vie chrétienne exemplaire. Ils sont comme une boussole et vous aideront à orienter votre vie dans la bonne direction. Qui que nous soyons, quoi que nous fassions, peu importe où nous sommes, qu'importe notre situation, ces versets sont une boussole concise, infaillible, fiable et digne de confiance pour nous orienter toute notre vie. Il existe quatre directions fondamentales. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. De même, j'aimerais faire ressortir quatre points particuliers du texte que nous venons de lire. Le premier point se trouve au verset 5 du guide de Dieu, c'est-à-dire Proverbes chapitre 3, les versets 5 à 12. Le guide de Dieu nous sera inutile si nous ne lui faisons pas confiance. Relisons le verset 5. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, c'est-à-dire croyons Dieu et faisons-lui entièrement confiance. Cela s'appelle aussi avoir la foi. Ce verset nous indique une partie essentielle de la boussole. La petite tige ou la petite pointe au centre sur laquelle l'aiguille aimantée pivote librement pour indiquer le nord. Elle représente la foi ou la confiance en Dieu. Cela consiste à nous confier entièrement à Dieu dans tous les domaines de notre vie. Dieu nous dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Nous disons, bien sûr, je fais confiance à Dieu, il n'y a pas de doute. Cependant, je me demande combien de fois il nous arrive de placer notre confiance dans d'autres choses sans nous en rendre compte, sans en être conscient. Par exemple, une personne peut faire confiance à ses capacités intellectuelles ou à sa faculté de raisonner. Souvent, les gens font confiance aux biens matériels pour y trouver sécurité ou bonheur. Parfois, les gens croient les conseils d'un expert ou d'une tierce personne. J'ai connu des gens qui se laissaient guider par leurs sentiments et leurs émotions. Nous savons que l'argent peut disparaître très vite. La Bible dit que l'argent ressemble à un oiseau qui peut s'envoler rapidement. Les sentiments varient d'un jour à l'autre, d'une heure à l'autre même. Les conseils des experts ou des amis sont souvent erronés. Nous ne pouvons pas davantage dépendre d'une situation qui nous confère de l'autorité, car nous pouvons la perdre à tout moment. Seul Dieu est absolument, complètement et infailliblement fiable. Le fondement de la vie chrétienne et la clé de la sagesse, c'est faire confiance à Dieu. Le centre de cette boussole qui nous guide vers la vie la plus épanouie, c'est la confiance inébranlable en Dieu. C'est lui qui doit être l'objet principal de notre confiance, pas d'autre personne, bien que nous devons avoir un certain degré de confiance dans les autres. Malheureusement, nous sommes portés à ne pas faire confiance à Dieu. Nous portons nos regards sur d'autres choses que Dieu. Par exemple, si tout va trop bien dans votre emploi, vous priez beaucoup moins à son sujet. Vous n'en parlez pas à Dieu. Plus votre situation financière se porte bien, moins vous consultez Dieu à son sujet. Nous sommes portés à moins nous appuyer sur Dieu lorsque nos aptitudes et nos compétences se développent dans un domaine. Cependant, ce verset nous enseigne que nous devons toujours faire confiance à Dieu dans tous les domaines de notre vie. L'ignorance est une des deux raisons principales pour laquelle nous ne faisons pas confiance à Dieu dans tous les domaines de notre vie. De nombreuses personnes ne se rendent pas compte que Dieu est personnellement et spécifiquement intéressé à être impliqué dans tout ce qui concerne leur vie. Si vous ne savez pas cela, vous ne parlez donc pas à Dieu au sujet de ces choses. La deuxième raison est l'orgueil. Nous pensons que nous pouvons nous débrouiller sans Dieu. Parce que nous avons réussi dans un domaine, nous pensons que nous pouvons fonctionner dans celui-là sans nous appuyer sur Dieu. Nous parlons d'un guide pour une vie épanouie. Nous ne parlons pas d'un simple guide pour la vie, mais d'un guide pour une vie épanouie. Le guide divin pour une vie épanouie dit « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, reconnais-le dans toutes tes voies. » Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6. La première chose importante à remarquer, c'est l'objet de notre confiance, c'est-à-dire Dieu. Il est le seul à être omniscient, c'est-à-dire à tout savoir. Il est le seul à être parfaitement sage en toutes choses, et il est tout-puissant. Cela lui permet d'arranger, de contrôler n'importe quelle circonstance de notre vie. Le premier pas que nous devons faire, c'est de faire entièrement confiance à Dieu. Maintenant, à quel point devons-nous faire confiance à Dieu? Aujourd'hui, nous savons que nous pouvons faire confiance à peu de gens. Nous ne pouvons pas compter sur les gens pour garder un secret ou ne pas répéter ce qu'on leur a dit confidentiellement. De nombreuses personnes ne tiennent pas leurs promesses et leurs engagements. Cependant, à quel point devons-nous faire confiance à Dieu? Le texte dit « de tout ton cœur ». Nous devons lui faire entièrement confiance, ne pas avoir d'hésitation à le faire. Notre confiance ne doit pas baloter entre ses sentiments contraires. Nous ne pouvons pas lui faire confiance un jour et douter de lui le lendemain. Nous ne pouvons pas lui faire confiance dans un domaine et croire qu'il n'est pas compétent pour nous aider dans un autre. Nous devons nous confier à Dieu de tout notre cœur. Il est un Dieu digne de confiance, fiable, infaillible et fidèle. Il nous demande de lui faire confiance de tout notre cœur. Lorsque nous lui ferons confiance de tout notre cœur, nous en serons conscients. Lui faire entièrement confiance signifie que nous lui confions un problème et que nous cessons de nous en préoccuper. Nous attendons ses directives plutôt que de chercher une solution. Verset 5. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ces versets affirment qu'il n'y a pas le moindre aspect de notre vie que nous ne soumettons pas au Seigneur. Le texte dit clairement « Reconnais-le dans toutes tes voies ». Tous les aspects de notre vie doivent être remis entre les mains protectrices de Dieu en qui nous avons confiance. Si nous ne faisons pas confiance à Dieu en ce qui concerne notre situation financière, cela veut dire que nous ne lui faisons pas entièrement confiance, même si nous lui faisons confiance pour certaines choses. Nous avons du mal à lui faire confiance complètement au sujet de notre emploi, de nos occupations et de nos décisions. Or, Dieu nous demande de lui faire confiance dans toutes nos voies, dans tous les domaines de notre vie. Pourquoi? Car Dieu est digne de confiance et infiniment sage. Dieu donne des directives claires, concises et parfaites en ce qui concerne tout ce que nous faisons, peu importe son importance. Parfois, nous voulons gérer des aspects de notre vie pour lesquels nous nous sentons compétents et demander à Dieu de nous aider avec les décisions et les problèmes difficiles. Cependant, il est le seul qui est infiniment sage et qui peut bien gérer notre vie. Je désire que vous perceviez ce texte comme étant une boussole. Dieu vous indique la direction à prendre pour votre vie ici. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Lisons le psaume 138, verset 8. Ce verset est court, mais il démontre que Dieu veut examiner et contrôler tous les domaines de notre vie. Il s'intéresse aux moindres détails de notre vie. Verset 8. L'Éternel agira en ma faveur. Dieu va s'assurer que tout se termine bien. Il verra à ce que j'entreprends porte du fruit. Il s'intéresse à tout ce qui me touche. C'est pour cette raison qu'il dit, versets 5 et 6, « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Proverbe 3. Vous devez consulter Dieu et lui faire confiance avec vos fréquentations, surtout celles concernant le mariage, votre situation financière ou votre choix de carrière. Qu'importe la décision que vous devez prendre, Dieu veut que vous lui fassiez entièrement confiance en tout. Il ne doit pas y avoir d'exception. Le détail fondamental de la boussole, c'est une confiance absolue en Dieu. C'est sur cette confiance que pivote l'aiguille aimantée qui nous indique la bonne direction. Le deuxième point traite des trois exigences du guide divin. Dieu demande que je lui fasse confiance et il exige trois choses de moi. Examinons notre texte encore une fois. Au verset 5, nous avons lu « Et ne t'appuie pas sur ta sagesse ». Et au verset 7, « Ne sois point sage à tes propres yeux ». Dieu exige trois choses de moi. Et la première, c'est que je m'appuie uniquement sur lui et non sur ma sagesse ou ma compréhension des choses. Il y aura toujours des choses que je ne pourrai pas comprendre à cause de mes connaissances limitées. Il y a des choses qui dépasseront mon intelligence. Je dois donc m'appuyer uniquement sur Dieu. Je dois lui faire confiance et non m'appuyer sur ma sagesse. C'est ce qui nous met souvent dans le pétrin. Nous fonctionnons selon des raisonnements humains, mais ceux-ci sont entravés par nos connaissances incomplètes. C'est pour cette raison que Dieu nous interroge. Désires-tu une vie épanouie? Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Fais-lui confiance, parce qu'il sait tout et qu'il peut te donner la sagesse et les instructions dont tu as besoin. Premièrement, je dois donc m'appuyer sur ce Dieu infini et parfaitement sage, et non sur moi-même. La deuxième chose que Dieu exige, c'est que je le reconnaisse comme mon Dieu. Les versets 5 à 7. « Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Que signifie craindre l'Éternel? Le mot « craindre » est souvent employé dans la Bible, et en général, il fait référence à la révérence pour Dieu. Craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur de lui. C'est plutôt le révérer, c'est-à-dire avoir un respect profond pour lui. C'est être émerveillé par Dieu de sorte que nous l'adorons, nous le louons, nous le vénérons et nous lui obéissons. Craindre Dieu, c'est le révérer. En Amérique du Nord, nous n'avons aucune crainte de Dieu et aucun respect pour lui. nous faisons ce qui bon nous semble, ce que nous avons envie de faire. Nous voyons tout se dégrader autour de nous. Moralement, c'est la déchéance totale, et nous sommes dans cet état parce que nous ne respectons plus Dieu. Une personne sage va s'appuyer sur la sagesse de Dieu et non sur la sienne. Deuxièmement, elle va vénérer et craindre Dieu. Elle va le reconnaître comme son Dieu, le respecter et se fier à lui. Révérer Dieu, c'est reconnaître qu'il est le souverain de cet univers. Je reconnais qu'il a le droit et l'autorité nécessaires pour exercer un contrôle sur ma vie et la guider. Il est Dieu et je suis son serviteur. Nous sommes tous ses serviteurs créés à son image pour accomplir ses buts. Nous avons été créés pour le glorifier et l'honorer. Si je n'honore pas Dieu, si je ne le vénère pas, si je n'ai aucun respect pour lui, je ne peux pas être ni devenir une personne sage. Le début de la sagesse, c'est vénérer Dieu et le craindre. La Bible dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Le craindre, c'est le vénérer, le respecter, reconnaître qu'il est le souverain de cet univers. C'est accepter qu'il est celui qui a le droit sur ma vie et l'autorité pour la gérer, me dicter ma conduite et contrôler tous les domaines de ma vie. Dieu exige aussi une troisième chose de nous. Il veut que nous rejetions le mal. Nous avons lu cela au verset 7. « Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Nous devrons tous faire face au mal et à la méchanceté au cours de notre vie. Nous subirons les assauts répétés de la tentation, quelle que soit son origine. Cependant, Dieu ne nous déclare pas « Eh bien, si vous me faites confiance, vous ne serez pas tentés, et vous n'aurez ni épreuve, ni souffrance, ni fardeau, ni défaite. » Il nous répète simplement que nous devons nous appuyer sur lui et non dépendre de notre propre sagesse. Nous devons le vénérer, l'honorer et le respecter parce qu'il est Dieu et qu'il a toute autorité sur notre vie. Finalement, nous devons rejeter les voies de la chair et du mal. Je désirerais vous faire réfléchir sur un point. Ce sujet ne sera pas une réalité dans votre vie si vous êtes le genre de personne qui passe de 5 à 7 heures quotidiennement devant la télévision. Comment pouvez-vous fonctionner selon la sagesse et faire confiance à Dieu, le révérer et vous détourner du mal si vous permettez au monde de bombarder votre esprit d'idées contraires à la parole de Dieu? Car vous nourrissez votre esprit de publicité, de mots et d'images pas toujours édifiants qui proviennent de la radio, de la télévision, d'Internet ou des médias écrits. Vous vous nourrissez ainsi jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Vous saturez votre esprit de concepts du monde. Vous ne pouvez pas continuellement agir ainsi pour ensuite leur tourner le dos et agir avec sagesse en vous appuyant sur Dieu. Vous ne pouvez rejeter le mal et vénérer Dieu si c'est le monde qui nourrit votre esprit. C'est impossible. C'est pour cette raison que de nombreux chrétiens éprouvent des difficultés financières. Ils écoutent des mauvais conseils de personnes impies qui les trompent. « Achète ceci, obtiens cela, ceci est indispensable, il t'en faut un. » Nous nous plaignons d'avoir des ennuis financiers, mais nous agissons selon la propagande qui nous encourage à nous endetter. « Achetez maintenant, payez plus tard. Achetez maintenant, pas de formalité avant 6 mois. Un an sans intérêt. » Je ne vois pas comment un chrétien mûr, qui est un homme d'affaires, peut accepter ce genre de publicité s'il a à cœur le bien des gens qui achètent ses produits. Ce que nous examinons, c'est la boussole spirituelle de Dieu et non la nôtre. Cette boussole indique la bonne direction. Elle est de plus toujours infaillible. Tout pivote sur la confiance en Dieu et dépend de 3 exigences. Marcher selon la sagesse de Dieu et non la sienne. Si nous désirons cette sagesse, où est-ce que nous pouvons la trouver? Dans ce livre duquel notre texte est tiré, soit la Bible. La sagesse divine est révélée dans ses pages. Nous devons nous appuyer sur la sagesse divine et nous devons vénérer Dieu. Il a la position nécessaire et l'autorité pour nous dicter notre conduite. il a toute autorité sur nous. Seul Dieu peut toujours, sans aucune exception, vouloir notre bien, et ce, sans raison égoïste. Nous ne pouvons pas être entièrement altruistes au sujet de notre mari, de notre épouse, de nos enfants ou de nos parents. Nous ne pouvons jamais être parfaitement altruistes, mais Dieu l'est, lui. Nous devons nous appuyer sur Dieu plutôt que sur nos forces et nos aptitudes. Nous devons vénérer Dieu et nous devons rejeter ce que le monde nous propose. Si nous désirons acquérir la sagesse divine, nous devons utiliser la boussole spirituelle. C'est ce que j'ai tenté de résumer aujourd'hui. J'aimerais maintenant attirer votre attention sur le troisième et dernier point. Je voudrais attirer votre attention sur une merveilleuse expression de l'amour de Dieu pour nous. Dans le guide divin, qui est le texte de Proverbes, Dieu promet d'accorder à chaque croyant les désirs de son cœur, et il énumère les trois. Il mentionne trois désirs au sujet desquels, en les entendant, nous acquiesçons. Ce sont eux que nous désirons voir réalisés. Ils sont résumés dans notre texte. Il existe quatre directions fondamentales, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Nous en avons mentionné deux. Tout pivote sur notre foi en Dieu et cela comprend trois exigences. Or, dans son guide, Dieu promet ce que désirent tous les croyants. Relisons les versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Quelle est la première promesse que Dieu nous fait dans ce texte? Il promet de nous guider. Il promet d'aplanir nos sentiers. Quels sont ces sentiers? Notre sentier, c'est notre vie. Quelles sont les caractéristiques d'un sentier aplani? Eh bien, il est plus facile à suivre. Nous gagnons du temps parce que nous avançons plus facilement. Ici, le texte n'entend pas que nous emprunterons un sentier sans obstacle, mais il nous prévient. Dieu nous aidera à franchir les obstacles. Il nous donnera la force de les surmonter. Dieu n'a pas prévu une vie chrétienne dénuée de toute épreuve. Non, ce sont les expériences qui nous aident à grandir. Or, le Seigneur nous rassure, versets 5 et 6, « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Dieu nous promet de nous guider clairement sur la voie qu'il a tracée pour notre vie. Il nous conseille « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Dieu nous affirme ici qu'il nous guide dans toutes nos voies. Il n'y a absolument aucune exception. Je vous ai dit au début de l'émission que ce passage a affecté énormément ma vie. Il m'a servi de guide. Ce n'est que lorsque j'ai décidé de me passer de cette boussole et de la ranger et que j'ai pris les choses en main que j'ai subi des échecs et connu des déceptions. Lorsque je suis guidé par la boussole divine, je ne subis pas d'échec. Est-ce que je passe par des moments difficiles? Oui. Est-ce que je subis des épreuves? Oui. Nous devons tous franchir des sommets et demeurer dans des vallées. Nous traversons tous des endroits dangereux. Le sentier sera parfois très étroit. Cependant, le Seigneur promet de nous guider et de rendre le chemin plus facile. Il s'engage à nous accompagner au cours de notre pèlerinage. Il nous avertit, reconnais-le dans toutes tes voies. Nous ne devons pas négliger de le consulter, peu importe nos voies, peu importe ce que nous faisons. Qu'importe si nous sommes très habiles, nous devons le reconnaître dans tout ce que nous faisons. Reconnais-le dans toutes tes voies. Dieu est infini, tout-puissant, parfaitement sage, et il nous aime. Il veut donc le meilleur pour nous. Si nous acceptons de le prendre comme guide, il promet de gérer notre vie et nous accompagner à chaque pas. Dieu promet de nous guider dans toutes nos entreprises. Nous devons donc lui demander d'approuver tous nos plans. Vos projets et vos plans sont-ils conformes aux normes bibliques? Afin de bien comprendre la volonté de Dieu, nous devons méditer l'Écriture et demander au Seigneur de nous révéler son but. Le psaume 19, versets 8 à 12, nous dit « La loi de l'Éternel est parfaite,